Bonjour tout le monde, ici André Péloquin et vous écoutez le 32e épisode de Podmodernisme, la balade de diffusion qui tente de se spécialiser le plus possible au monde dans tout ce qui se fait d'alternatif au Québec. Ok, oui! Oui, bonjour tout le monde, c'est André Péloquin. Bienvenue à une 32e édition de cette magnifique balado diffusion. J'espère que vous allez bien. Désolé du délai. Ça s'en vient de moins en moins hebdomadaire, mais croyez-moi, j'en fais mon gros possible. Aujourd'hui, petite édition en attendant une prochaine un petit peu plus mieux. Un peu mieux construit, car la semaine prochaine, d'ici le 20 mai, je vais avoir une balado-diffusion qui va tenter de vous parler du Friendship Cove, qui est un genre de co-op, si vous voulez, réunissant, c'est aussi un appartement, évidemment, réunissant des projets plus ou moins intéressants de l'underground montréalais, notamment Dishwasher, il y a aussi Miracle Fortress qui tourne autour de cette salle de spectacle, qui c'est aussi une salle de spectacle, mais il y a surtout le projet Think About Life qui s'y est fait connaître, Think About Life, qui réunit Graham Van Pelt, Matt Shane et Martin César, qu'on a pu apprécier avant dans Donkey Art. J'ai réalisé une entrevue avec eux pour un mensuel et je vais vous la mettre en ligne, en plus d'y joindre des pièces des groupes tournant autour de cet endroit mythique. Mais avant, cette semaine, on va débuter avec surtout du matériel francophone. On va débuter dès maintenant avec des trucs plutôt rock'n'roll. On va débuter avec du 454 Super Torque, on va aussi avoir du Galaxy 500, les Shirley et Sonny Duval. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, envoyez-les par là à podmodernisme@gmail.com. Pour avoir plus de détails sur la programmation ou les archives de Podmodernisme, allez sur le site web, c'est le podmodernisme.blogspot.com. On débute maintenant avec la très chouette « Si tu veux me voir tout nu » de 454 Super Torque sur Podmodernisme. We'll be right back. J'aime la barmaid. Yes, c'est toujours pas de modernisme qui se déroule dans tes oreilles. On vient de terminer un premier bloc rock avec Sonny Duval. C'était la pièce J'aime la barmaid tirée de son album solo Achigan. Un peu avant, on avait un extrait de l'album Mescaleros des Shirley. C'est la pièce Mickey Mars. Un peu avant, une valeur sûre, c'était Galaxy 500, un extrait de leur tout nouvel album. Un album qui a pris un méchant bout de temps dans sa gestation, disons. C'était la pièce Away et l'album s'appelle Le Temps au point mort. Et on a débuté avec 454 Super Torque, c'était la pièce Si tu veux me voir tout nu, tirée de leur maxi dans le char. On va poursuivre dès maintenant avec des pièces un petit peu plus pop. On va pour débuter avec Natasha et la pièce Ski de fond et Air pur. Ensuite, on va y aller avec une nouveauté, c'est Chinatown. La formation s'appelle comme ça, Chinatown. Et oui, c'est tiré de leur maxi Melong Beach. On va entendre la pièce du même titre. Et on va terminer avec Otari et la pièce Lazy Lover. Une fois de plus, mes coordonnées. Mon site, c'est le pod modernisme, podmodernisme.blogspot.com et mon email, c'est le podmodernisme@gmail.com. On débute maintenant avec Ski de fond et Air pur de Natasha sur Podmodernisme. Oh oui! Regardez notre allure. font la course vers les nuages de Melong Beach. Tu m'avais dit je sors pour fumer, je reviens dans la soirée. Moi je sais que tu es parti là où les fantômes se cachent pour vivre. Les crachats font briller les trottoirs de Melong Beach. Volupté, tout le monde, bonjour, vous écoutez toujours Pas de modernisme, le podcast qui se spécialise dans ce qui se fait en marge au Québec, que ce soit francophone, anglophone, que ce soit punk, ska, rock, moins souvent le ska possible, s'il vous plaît, reggae, électro, peu importe. Et on vient de terminer avec la formation Otari et la pièce Lazy Lover. Un peu avant, on avait Chinatown avec Melong Beach, tiré du maxi du même nom, et tiré du démo de Natasha, Ski de fond et Air Pur. Bien sûr, je vous le rappelle, pour ceux qui sont néophytes à cette balado-diffusion, vous pouvez aller sur mon site web, le podmodernisme.blogspot.com, pour avoir plus de détails sur les formations,

fond de la machine à pinottes. Les changements au menu, la viande servie ne sera pas morte. Si ma tête explose, rongée par la panique, j'irai dormir dans les bras la femme bionique. J'irai dormir dans les bras la femme bionique. Combien d'heures t'as souri dans le beurre, dis-moi combien de semaines avant de t'apercevoir que la main que tu serrais c'était la tienne. J'ai entendu le bruit, mais j'étais assis trop loin pour voir les seins de la serveuse fendant de le bout. Et si l'amour devient une affaire de plastique, j'irai dormir dans les bras la femme bionique. J'irai dormir dans les bras la femme bionique. J'espère que maman va se pogner dans le trafic quand j'irai dormir dans les bras la femme bionique. Quand j'irai dormir dans les bras la femme bionique. Le poids de tous les pleurs, l'amour c'est comme la pluie qui tombe toute une vie. L'amour fait mal. Je me sens j'en crois que l'âme sais, je deviens fou. Je sais, je deviens fou. Amour comme le vent emporte ma raison. L'amour. L'amour fait mal. Sa couleur. au vent, s'envole au vent, les couleurs. Surprise, surprise! Ajout de dernière minute pour ceux qui souhaitent se familiariser avec le groupe Avec Podcast. J'ai réalisé une entrevue dernièrement avec eux pour le mensuel Bang Bang. Et je vous mets ça à la fin de ce podcast pour vos archives, pour votre connaissance personnelle, comme ça a été enregistré sur une enregistreuse à cassette, parce que je suis old school demain, moi, yo! Eh bien, le son risque d'être pas super fidèle à ce qui s'est passé en réalité, mais bon, pour ceux qui ont la soif d'informations, eh bien, vous devriez être rassasiés avec cette petite entrevue réalisée dernièrement. Alors, bonne écoute tout le monde et à très bientôt, un autre épisode de Pas de modernisme. Oh, oh, oh, oh! Fait que pour le monde qui vont vous découvrir avec cet album-là, pourrais-tu faire un peu historique du band? Historique du band? C'est une très bonne question, ça. C'est pourtant la plus facile, on dirait. Je pense que ça fait 4-5 ans là, qu'on joue ensemble, 5 ans peut-être. Rencontre par hasard, par une amie commune, ouais, qui nous a présenté. Joël faisait déjà des spectacles, lui, il avait seul, il faisait des petits CD à la maison, il était bien, il vendait pendant ses shows, ouais. Il y a eu une couple de bandes, en fait. À un moment donné, j'allais voir un de ses shows, puis on a parlé de ça, puis moi j'avais des tunes, mais je faisais pas vraiment rien avec, puis lui il m'a invité à... Lui commençait à jouer du drum, à ce moment-là il joue un peu de tout, là. Okay, ouais. Puis il commençait à jouer du drum pour un autre band qui s'appelait les Gregory Charles. Ah ouais, on a ça. C'était son band. Puis le but de ce band-là, c'était que chaque musicien devait jouer un instrument qu'il ne savait pas jouer à la base. Fait que lui, il avait décidé de jouer du drum. Puis pour se pratiquer, ben, on a commencé on a joué ensemble. Moi, je savais avec un lot de tunes, une couple de tunes. Ouais. On a monté ça. Joël est assez proactif, là, pas mal plus que moi. Puis là, du jour au lendemain, on s'est comme mis à taper des tunes. Ouais. Puis on a fait notre premier démo il y a 2 ans. On n'a jamais distribué nulle part, sinon dans nos shows. Là, on le prenait dans nos shows. Puis là, ben, c'est ça, de fil en aiguille, on a continué à jouer ensemble. Puis, la lutte avec Derek, comment c'est venu ça? Une autre excellente question. Joël connaissait des membres de Malajub. Et puis eux aimaient bien ce qu'on faisait. Ils nous ont invités. On a joué comme 4-5 fois dans la dernière année avec eux autres. Puis on a eu la chance de jouer 4-5 fois avec eux autres dans toutes sortes de circonstances. Puis Bailey forcément était là quand il nous a vu jouer. Ouais. Puis après ça, lui nous a fait jouer en première partie d'autres bandes de Dare to Care qui n'avaient pas de première partie. Fait qu'on a joué avec Yesterday's Ring, la descente du coude. Puis fait qu'il nous connaissait comme ça, mais il nous a jamais demandé rien. Puis nous, on travaillait sur notre deuxième truc, puis là, on se disait, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on print encore nos pochettes à jet d'encre, puis on les, tu sais, ou on pousse ça d'un step plus loin, tu sais. Puis on pensait faire une demande à locale distribution, tu sais, le deuxième step, là. Ouais. Puis finalement, on a dit, bah, pourquoi on va pas, tu sais, on va aller le porter à Ellie juste pour le fun. Ouais. Puis c'est ça, on est allé le porter, il nous a rappelé le lendemain, puis il a dit, je veux vous rencontrer. Ça m'intéresse. Puis là, on a dit, ben ok, mais ben, nous, la seule affaire, c'est qu'on veut que ça sorte vite parce qu'il est fini, tu sais, pour pas attendre l'automne. Ben, tu donnais moi un mois et demi. Et il l'a fait. Ben, c'est excellent. Il l'a fait. Puis, tu sais, écoute, je regrette tellement pas. Là, c'était là la plus belle rencontre que j'ai faite cette année. Quel être incroyable. Fait que, tu sais, puis au début, moi, j'étais pas certain que. je pensais qu'elle allait me dire, tu sais, ça marche pas avec le son de mon étiquette, tu sais, parce qu'on est pas mal plus tranquille que qu'est-ce qu'il y a ce son. Mais pour lui, il voyait pas de problème. Là. Je pense qu'il est assez ouvert d'esprit. Il voyait pas de, problème là-dedans. Ouais, non, c'est ça. Fait qu'on est, non, on était bien chanceux. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire, hein? Ouais. Je pense que c'est passé aussi entre votre démo. Puis trois chaudières de sang, on dirait que vous avez passé un son beaucoup plus déjanté. Ouais. Des gens un peu plus faux, ouais. Disons. Est-ce que... Ben, les tunes du premier disque partaient quand même d'un fond assez faux, je te dirais. Oui, c'est sûr. Mais sauf qu'en enregistrant, on a rajouté des couches, puis on a rajouté des couches, puis ça a donné ce que ça a donné. Je pense que c'est les shows qui ont fait ça, en fait. Parce que le fait de jouer à deux, tu sais, on était guitare-drum, puis à un moment donné, tu sais, il manquait tout le temps de quoi, tu sais. Moi, j'entendais les autres instruments dans ma tête. On dirait que ça a modifié un peu la façon de composer, tu sais, en se disant, ben, anyway, il va falloir les jouer plus tard sur scène, tu sais, tout le monde, tu sais. Fait que ça a changé un peu la façon de construire les chansons, je pense. Puis nous aussi, on était plus habitués de jouer ensemble. Ça je sais pas, ça a placé les choses, mais je te dirais que pour le disque, il y a des tunes qu'on a éliminées parce que... Il était trop. On essaie de garder quelque chose d'assez homogène, là, puis assez tranquille. Puis il y a des tunes qu'on a éliminées. Quoi, en valeur de dessin. Ouais, c'est ça. Il y a des tunes qu'on a éliminées pour le deuxième disque à cause de ça. Puis là, ben, pour les shows, on pratique avec une troisième personne qui va jouer de la slide dans les shows. Là, donc je pense que ça va être le punch. La question couchée, hein, le sens, ouais. C'est dans le processus de création au niveau des textes, moi, ouais. Surtout les textes sont vraiment trappés, je trouve vraiment imagé, subtil. Ouais. Wow! C'est le sens, de quoi tu parles? De quoi je parle? Ben, moi, dans une autre vie, je suis monteur. Moi, j'ai une question là-dessus. Ouais. Je suis monteur, puis je te dirais que, étrangement, je me rends compte que j'écris un peu, c'est un peu du montage. Je ramasse ben des phrases, ben du stock, ben des images, ben des idées. Puis à un moment donné, il y a un début de tune qui arrive, puis je fais vraiment du montage, tu sais. Donc, je te dirais pas que c'est juste... Je ne veux pas dire que c'est n'importe quoi mis ensemble, mais c'est vraiment un travail de montage, d'aller chercher une phrase là, une phrase là, puis de, à un moment donné, on dirait que les associations se conditionnent. Tu passes sur un filon, sur une idée, sur un mot, puis on dirait que tout se place. Mais je pars jamais avec... Je pars jamais avec une idée, tu sais, je vais parler de ça. C'est pas mal plus des couleurs, des moods, que, une thématique, que je vais parler de... Je sais pas quoi. Il y a des critiques qui commencent à sortir. J'en ai lu une dans le devoir. Ouais. Tu sais, qui prend la station de plus communiquer, genre protéger le ballon. Mais ça, est-ce que ça vous dérange? J'ai dit qu'il y avait ça me fait plaisir. Je sais pas quoi dire, il faudrait demander à eux autres en fait. C'est plus à eux autres qu'il faudrait demander, c'est sûr que moi ça me dérange pas, tu sais. Mais c'est sûr qu'on a des sons. Ça me dérange autant pas qu'on n'a pas. Je trouve que musicalement, tu sais, on est tellement opposés, ouais, quand même opposés. Mais je pense que ça vient surtout du fait qu'on a joué, tu sais, ils nous ont vraiment demandé souvent de jouer en première partie avec eux autres. J'ai l'impression que ça n'arrive pas si souvent que ça, tu sais, que des bandes, ben peut-être que oui, mais j'ai l'impression que ça n'arrive pas si souvent que ça, que les gens se font demander plusieurs fois, tu sais. Souvent, les bandes vont essayer de changer de première partie, puis ouais, tu sais. Puis eux, ben, je sais pas, on a vraiment joué une couple de fois avec eux autres, puis c'était toujours bien. Ça faisait un bon clash aussi avec ce qu'ils font. Ça m'étonnait, c'est pas fini, non, vous allez rejouer. Ouais, c'est ça, on va rejouer Francophonie, ça va être quelque chose. Tu peux répondre à la prochaine question avec l'influence du cinéma, mais juste pour vous donner un petit peu, j'ai eu un truc dans un article à Saint-Germain. Mais ça, c'est en cinéma, je sais pas, dans le kino. Ben, moi, j'ai étudié en cinéma, puis j'étais dans la première batch de kino au début. Ah ouais? Puis là, j'en fais plus depuis 3 ans, peut-être. Mais, ouais, fait que mon background est pas mal plus cinématographique. J'ai toujours écouté de la musique, tu sais, moi, mais comme formation, puis comme travail, je travaille plus en cinématographie. En ce moment, c'est le montage. J'ai beaucoup de montage, puis un projet de long métrage en développement. En plus, ça, t'as j'attends, ouais, j'ai eu la salle deck, et j'attends que les films. Jusqu'à là, tu on s'en parle au mois de juin. Ça, avec un nouvel album, est-ce que vous pensez que c'est un des projets de vidéoclip? Ouais, on travaille avec ça. Est-ce que tu as des idées dans des chansons? Ben, étrangement, je trouve ça super dur. Je pensais que c'est sûr que on a envie de les faire nous-mêmes. Joël aussi fait de la vidéo. Ah, c'est cher. Le montage aussi, tu sais. Fait que. Mais franchement, c'est tough parce qu'il y a tellement d'images déjà dans les tunes. Ouais. Qu'il y a plein de tunes qui s'éliminent d'emblée. T'sais, on n'a pas envie de faire un clip celle-là, pas celle-là, pas celle-là. Parce qu'on trouve que ça serait rajouté. Fait que là, on y pense qu'on travaille là-dessus. Bon, c'est des fois parfois illicité avec le manager, mais à reste de la compte. Si vous avez des craintes, des attentes. C'est sûr que quand ils nous ont proposé ça, on a un peu steppé là, de Métropolis, là, on joue pas si fort que ça. Mais tu sais, on avait le choix, c'était comme oui ou non. Ouais, on a décidé que c'était oui, tu sais. On s'est dit, ben, pourquoi pas se péter ce trip-là, tu sais. Puis écoute, on fait la première partie, fait qu'on ne jouera pas si longtemps que ça. Puis ça va être le fun. Ben oui. Ben c'est sûr que c'est... Bon, je pense qu'on va être un peu nerveux ce soir-là. C'est beaucoup de public. Mais ben là, au moins le disque est sorti, il va peut-être avoir 4 personnes qui vont connaître. C'est ça. Ça va être ici. Mais surtout que le texte dans le journal, dans le truc des Francopholies, ça dit le rock enflammé. Ils vont enflammer la scène du Métropolis. Ça, c'est personne n'avait pas entendu notre texte. Ça va être une pression. Mais tu sais, c'est rare qu'on se réveille le lendemain d'un show pour détester la première partie qu'on n'a pas aimé la veille. Ben ouais. Fait que je pense que ça doit être bien. C'est pour ça qu'on prend Francophonie, il y a le lancement qui s'en vient. Ouais, la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y a un truc aussi à CIPEL. Ouais, dimanche, la fête des mains. Oh, c'est tellement beau. Ben, ça ressemble à quoi, genre, les prochaines semaines, les prochains mois? Ça se place là. Là, il est question de Festival d'été de Québec. Ouais. Il est question de Consonance, nouveau festival à Saint-Hyacinthe. Ah, ouais. Qui va sur 4 fins de semaine, 4 dimanches, je pense, juillet puis août. Puis le reste, ça reste tout en suspens. Ben, j'espère qu'il sera encore plus que ça. Ça sent bien. Ben moi, ça complète mon questionnaire. La vernage de 5. Ben, je trouve que le matériel à l'extérieur aussi. Ça fait que je comprenne que tout le monde est. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci à toi. Yes.